Et donc vous aurez droit pendant une petite heure à des sons, des interviews, des mix sur ces nouveaux compteurs intelligents et communicants. Comme à chaque fois, vous pourrez retrouver toutes les infos sur le blog de l'émission joarragecourage.deblogs. Mais tout de suite, c'est l'intro. T'as pu les voir? Oui, de très près. Excellent. Avant, faut bien l'avouer, nos compteurs électriques, ils étaient un petit peu cons. Mais ça, c'était avant. Maintenant, nous allons avoir un compteur intelligent. Un compteur nouvelle génération. Un compteur dit communicant. Et pour marquer le coup, ERDF, notre gestionnaire du réseau électrique en France, lui a même donné un petit nom. Linky. Brique essentielle de cette évolution, les compteurs communicants Linky. D'ici 2021, 35 millions de Linky vont venir remplacer nos vieux compteurs pour la coquette somme de 5 milliards d'euros. Sauf que nos compteurs actuels, ils fonctionnent. Alors pourquoi les changer? Voilà, ça sera votre nouveau compteur. Très bien. Le petit boîtier vert n'a pas fini de faire parler de lui. Pas question de voir installer sur son territoire les nouveaux compteurs d'électricité. Et ouais, ils arrivent en ville à partir de juin 2017 pour Saint-Étienne. Les compteurs intelligents et communicants arrivent. En tout cas, les compteurs pour l'électricité, c'est-à-dire Linky. Mais plus tard, il y aura aussi Gaspard pour le gaz et un compteur aussi intelligent pour l'eau. Mais alors, c'est quoi un compteur intelligent? On va donner la parole à Stéphane Lorme pour dans une émission Trou Noir qui nous expliquait qu'est-ce que c'est qu'un compteur intelligent. Qu'est-ce que c'est ce compteur intelligent là, qui nous arrive, voilà. D'accord. Eh bien écoutez, alors d'abord je récuse le terme de compteur intelligent. D'accord. J'ai mis des guillemets, mais c'est vrai que ça passe mal à l'antenne. Ce sont des objets. Donc ils sont stupides. Par contre, nous, les êtres humains, nous pouvons être intelligents, ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu. Mais en tout cas, c'est une hypothèse, c'est une possibilité, alors que pour ces objets, évidemment, s'ils sont affublés du signe intelligent, c'est pour qu'on n'ose pas s'y opposer, parce que personne ne pourrait être contre l'intelligence. En réalité, ce sont des objets communicants qui ont pour objet, alors je dis bien des objets, puisque il s'agit de trois programmes de compteurs communicants, électricité, gaz et eau. Mm-hmm. Alors, il y a des gens qui n'ont pas le gaz, il y a des gens qui ont deux compteurs pour l'eau, chaude ou froide. Donc on va dire qu'en moyenne, chaque logement de France va se retrouver, si on se laisse faire, avec trois compteurs communicants. Et ça pose des problèmes très importants, de plusieurs ordres. Premièrement, d'ordre écologique et financier, dans la mesure où, par exemple, pour les compteurs d'électricité, il y a 35 millions de compteurs d'électricité en France, le programme est estimé à 5, mais c'est probablement 7, 8, 10 milliards. On sait toujours que la vraie facture dans ce genre d'affaires, elle est à la fin. Et comme c'est nous qui payons, c'est évidemment toujours beaucoup plus cher que ce qu'on a bien voulu nous dire au début. Donc 5 et 10 milliards. Et puis de l'énergie et des matières premières pour fabriquer tous ces compteurs, pour remplacer des compteurs en parfait état de marche que nous avons actuellement, qui peuvent durer pour certains jusqu'à plus de 60 ans et qui fonctionnent sans aucun problème. Alors on nous dit on va les recycler, mais on doit recycler des objets en fin de vie ou cassés, et pas des objets en parfait état de marche. Et qui plus est, la durée de vie des compteurs communicants est beaucoup plus faible que celle des compteurs actuels, officiellement 15 à 20 ans, mais on a déjà des données qui prouvent que ça serait plutôt proche de 5 à 7 ans. Ce qui veut dire que à peine les compteurs communicants seront finis d'installer, que pratiquement il faudra, de la part des industriels, commencer à remplacer à nouveau. Alors ils ne nous diront pas, on est désolé, on vous avait prévu que ça dure 15 ans, mais en fait ça dure que 5 ans. Ils diront au contraire, vous avez de la chance, vous allez avoir la nouvelle génération de compteurs encore plus intelligents. Vous savez, c'est comme les lessives à l'époque, là, qu'il avait plus blanc que la lessive d'avant, qu'il avait déjà blanc. Et là, on aura le compteur super intelligent, encore plus intelligent que le compteur intelligent. Et en réalité, ça veut dire qu'à chaque fois, on devra sortir 5, 7, 10, 15 milliards de l'énergie et des matières premières pour remplacer des compteurs, alors que ce qu'on a actuellement pourrait encore durer des décennies. Donc ces programmes commencent, alors 35 millions de compteurs d'électricité, 35 pour l'eau, 11 pour le gaz, ça veut dire 81 millions de compteurs en parfait état de marche. Alors c'est vrai qu'il y a un renouvellement naturel, mais EDF, donc qui s'appelle Enedis maintenant, le distributeur d'électricité, reconnaît qu'il change 1 million de compteurs d'électricité par an. Il y a 35 millions de compteurs, ce qui veut dire qu'il y a un renouvellement naturel en 35 ans, pas en 4 ans. Donc là, en 4 ans, on va jeter tous ces millions de compteurs et nos milliards d'euros à la poubelle. C'est scandaleux. Alors attends, moi je suis un peu naïf, mais enfin les gens qui on a, enfin pas moi, mais il y a des gens qui ont élu, on a des élus qui nous représentent et qui nous notent bien entendu. Alors donc ils doivent quand même avoir des arguments pour justifier ce que tu as commencé, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut reprocher à ces compteurs. Alors quels sont les arguments? Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé comme ça, ou je crois qu'il y a quand même une directive européenne au départ? Alors effectivement, il y a une directive européenne de 2009. Alors on sait très bien, hein, d'ailleurs quand on voit le devenir de M. Barroso et de plusieurs commissaires européens, des dames aussi, en plus de M. Barroso, qui après avoir agi dans le cadre de la Commission européenne, vont pantoufler avec des salaires absolument mirobolants dans les entreprises qu'elles étaient censées combattre ou contrarier en tant que commissaire européenne. Donc on voit comment tout ça fonctionne, et donc les directives européennes sont très largement inspirées, voire parfois écrites directement par les entreprises. Résultat, une directive européenne a dit en 2009 qu'il fallait changer les compteurs en Europe et mettre de beaux compteurs communicants, à condition toutefois qu'il y ait une étude socio-économique qui en prouve l'utilité. Et en Allemagne, ils ont demandé ça à un grand cabinet international, Ernst & Young. Ils sont absolument pas des ozos gauchistes, écologistes, ou ce qu'on veut, bien au contraire. Hein. Et bien, malgré tout, ils ont trouvé que le déploiement des compteurs communicants était totalement inutile, en particulier chez les habitants, qu'on pouvait parfaitement en mettre dans les entreprises, les usines, etc., tous les très gros consommateurs, mais absolument pas chez les gens. Et ça, c'est très important, parce qu'un des prétextes avancés en France pour justifier ces programmes, c'est de dire qu'on en a besoin. On a besoin de nous mettre ces compteurs communicants dans nos logements pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables dans le système électrique du pays. Or, l'Allemagne... Bah écoute, là, effectivement, tu m'éclaires un peu, parce que Mme Ségolène Royal, qui pense gentiment à nous dans ce domaine-là, a dit une chose que tu as dû apprécier, j'imagine. L'intérêt de l'INKI est qu'il met la maîtrise de l'énergie à portée de tous. Les consommateurs deviennent citoyens et acteurs de la transition énergétique en contrôlant leur consommation. Et ta sœur. Tu vois, j'ai fait un beau discours politique. Ah, hein. C'est beau. C'est très beau. Mais je ne l'invente pas, hein, c'est une citation. C'est très beau, mais effectivement, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Alors d'abord, je termine sur l'Allemagne. Donc, la France, l'Allemagne faisant immensément plus d'énergie renouvelable que la France, et l'Allemagne ne prenant pas les compteurs communicants pour les logements des habitants, on voit bien que ce prétexte pour la France ne tient pas du tout. Si on veut nous mettre des compteurs communicants, c'est pour tout un tas d'autres raisons, certainement pas pour les énergies renouvelables, et certainement pas non plus pour nous faire faire des économies, et ça on a des éléments qui le démontrent, puisque des expériences menées dans d'autres pays qui ont eu la chance d'avoir des compteurs communicants avant nous, ont montré qu'il y avait un petit peu d'économie d'électricité qui était réalisée au début, que ça s'estompait en 2, 3, 4, 5 mois, et qu'au final, très rapidement, on se retrouvait avec la même consommation d'électricité, tout simplement parce que les gens, quand on leur a mis le compteur communicant en leur disant « ça va vous aider à faire des économies d'énergie », ils se sont trouvés en situation expérimentale, ça c'est un travers qui est très connu des sociologues, chercheurs et autres, Et donc, ils ont modifié leur comportement au début. Et puis, petit à petit, la vie reprend son cours. Et finalement, l'effet s'est estompé en quelques mois. Et en fait, le compteur communicant ne permet strictement aucune économie par lui-même. Par contre, ça a prouvé bien que le comportement, à partir du moment où on fait de l'information des citoyens, qu'on les, comme, un petit peu comme si, ce qui s'est passé en France dans les années 70 avec les campagnes de chasse au gaspille, où il y avait à la télé, à la radio, dans les journaux, tout un tas de conseils pour faire attention à ne pas gaspiller son énergie, son électricité chez soi, et bien ça a un effet important. Mais le compteur lui-même, absolument pas. Et qui plus est, non seulement on ne va pas économiser d'électricité, mais même on va payer plus cher. Et ça, on a tout un tas d'exemples qui le prouvent. Dès que les compteurs Linky sont installés, eh bien, les systèmes dans les maisons disjonctent tout le temps. Et EDF et ERDF ont la solution. Il suffit de prendre un abonnement plus élevé, de puissance plus élevée, et donc plus cher. Et à ce moment-là, eh bien, comme par enchantement, ça ne disjoncte plus. Donc... Et voilà. Alors, en quelques points rapides, Stéphane Lhomme, du coup, qui est membre d'une organisation... anti-nucléaire, essaye de balayer qu'est-ce que c'est que ce compteur présenté donc comme un compteur intelligent et du coup balaye en quelques termes rapidement différents aspects du compteur Linky. Alors l'idée de cette émission, c'est qu'on va reprendre quelques biais des questions que pose le compteur Linky et un peu de l'imposture selon Jouarage Courage de ce truc. Alors bon, d'accord, d'abord on va voir que la question de l'économie, bah en fait le client il va pas avoir des économies en installant le compteur Linky. C'est-à-dire qu'en fait juste ce que ça va lui permettre, c'est qu'il va savoir à J+1 sa consommation heure par heure la veille. Mais en vrai, ça change rien par rapport à son besoin de se chauffer, par rapport à son besoin de faire tourner une lessive ou des trucs comme ça. Par contre, effectivement, les vendeurs d'électricité vont proposer des contrats spéciaux et des prix dits spéciaux. Mais en fait, ça va faire comme les téléphones portables, c'est que c'est très compliqué de savoir, de se dépatouiller de tous les forfaits, de toutes les possibilités. Et en fait, de toute façon, s'ils proposent quelque chose, c'est bien pour faire de l'argent, c'est pas pour en perdre ou en donner. Du coup, l'autre question des compteurs, c'est ce qu'il disait à la fin, c'est que les compteurs Linky, en fait, ils se règlent leur puissance par rapport à notre utilisation. Alors que par exemple, aujourd'hui, si on met plein de trucs à charger en même temps, notre disjoncteur, il disjoncte. Le compteur Linky, lui, il peut basculer à une plus grosse puissance. Sauf que ça entraîne une facturation et du coup un abonnement et des frais supplémentaires réguliers pour le client qui sont plus élevés. Et du coup, c'est là où il y a arnaque et où le client va payer plus en fait, se retrouve à payer. Des factures qui sont plus élevées qu'avant. Donc, dans les expériences précédentes, notamment au Québec, un tiers des clients se sont retrouvés avec des factures plus élevées que précédemment. Du coup, pour la même consommation. Voilà, ça c'est la question de l'économie. Mais aussi, du coup, on a abordé un peu la question de la puissance. C'est-à-dire que la question de la puissance, elle n'est plus réglée par un professionnel, un salarié de l'entreprise d'électricité qui vient sur place et qui règle le compteur. Elle est réglée à distance. C'est-à-dire qu'à distance, des ordinateurs ou des personnes derrière des ordinateurs vont pouvoir régler la puissance. Mais en hausse, par rapport à une demande du client, mais aussi en cas d'impayé, par exemple. En cas d'impayé, il peut y avoir un rappel, et au deuxième rappel, on diminue la puissance de l'électricité fournie au client plutôt qu'à l'heure actuelle, faire des démarches, avoir un rapport avec une assistante sociale, avoir aussi un contact direct avec le technicien qui vient sur place, avoir du coup possibilité souvent de s'arranger, de payer une petite partie, etc. Là maintenant, la coupe d'électricité ou la réduction du débit, elle se fait à distance et du coup, elle enlève ce biais et ce moyen de pour le client de s'en sortir plus facilement et de résister et d'arriver à avoir toujours de l'électricité sans trop de difficultés, entre guillemets. Ça c'est la question des coupures et ça va être beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus simple de la part de Nidis, enfin des fournisseurs d'électricité, de dire c'est pas nous, c'est l'ordinateur, là on n'avait pas encore le virement, tant qu'on n'avait pas le virement de cette somme là, l'ordinateur a coupé, c'est pas nous. Forcément c'est facile de se cacher derrière ça et aussi de déshumaniser des questions qui sont souvent super compliquées et qui mettent des familles dans la précarité encore plus quoi. Ça c'est la question des coupes d'électricité. Mais parmi les opposants au compteur Linky, hein, qu'on retrouve un peu partout, notamment dans les régions où le compteur Linky est déjà en cours d'installation, il y a beaucoup de plaintes. Alors il y a des plaintes sur les risques d'incendie qu'un compteur Linky peut provoquer. Donc apparemment, et c'est déjà arrivé que en fait le compteur prenne feu. Donc il y a ça. Et il y a aussi surtout des plaintes au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que le compteur Linky, il va envoyer régulièrement des informations par radiofréquence avec les fameux CPL, les courants porteurs de ligne. Alors en fait, les compteurs Linky seront reliés entre eux et en fait vont organiser une espèce de maillage et de bornage qui envoie régulièrement des informations aux fournisseurs d'électricité. Ça utilise des radiofréquences qui sont considérées selon l'Organisation mondiale de la santé comme des cancérigènes possibles. Et qui aussi provoque de graves problèmes, notamment de l'électro-hypersensibilité. Et aussi, ces ondes, en ce moment, il y a des tests et des questionnements, car ça peut provoquer, notamment chez l'enfant, des troubles de la mémoire, des maladies précoces, des troubles aussi de la capacité du corps à se protéger. Des troubles du sommeil également, de l'attention, etc. Et en fait, sur ça, il y a des tests et des études qui se font, car il y a des grosses présomptions d'incidence des courants, de ces fréquences qui avant n'existaient pas. C'est-à-dire que du coup, Enidis lui se couvre en disant le compteur on l'a installé aux normes en présence, sauf que les normes en présence elles datent de 99, c'est-à-dire 18 ans, et ce qui est énorme dans l'histoire dans l'évolution des fréquences et notamment dans l'évolution des incidences que ça a et des études. Donc en fait c'est un bond vers l'inconnu et du coup il y a des fortes présomptions sur les conséquences de ces ondes, en fait, de ces radiofréquences. Et ça c'est vraiment un peu comme la question dont on parle beaucoup aujourd'hui des engrais et les questions hormonales que ça provoque chez les gens et qui habitent autour des champs, autour des vignes, etc. Mais alors du coup quand on liste un peu tous ces inconvénients, on se demande pourquoi Enidis aurait intérêt et la volonté vraiment d'installer ces compteurs au-delà des coûts que ça a, etc. Et donc on va écouter toujours Stéphane Lhomme qui nous parle d'autres questions de ce compteur qui n'est pas seulement intelligent, mais qui est aussi et surtout communicant. On a pu voir avec les différents points qu'on vient d'aborder qu'en réalité, tout ce qui est affiché comme prétexte, comme justification des compteurs communicants sont en réalité des prétextes et sont complètement faux. que ce soit donc les énergies renouvelables, les économies d'énergie, etc. etc. Et donc, comme on dit dans les séries, la vérité est ailleurs. Mmh. Et la vérité, c'est que effectivement, ces compteurs vont être extrêmement utiles, mais pas à nous. Ils vont être utiles en particulier à des gens qui vous font du gros business. Donc l'industriel qui est aux affaires, qui s'appelle Enedis, ex-ERDF, c'est encore une entreprise publique, mais qui fonctionne absolument comme une entreprise privée. Oui, Bernard d'ailleurs a beaucoup de témoignages là-dessus et est très inquiet sur l'évolution. Quasiment rompu avec tout ce qui pouvait faire l'intérêt d'un service public. Eh bien, par exemple, le PDG, le président de Enedis, donc M. Monloubou, on peut le retrouver sur une interview là, sur Internet, le journal du net, là, ou ailleurs. Hein. Et donc, il se gargarise, il dit « Enedis est désormais un opérateur big data, oula, expliqué, hein, big data, qui gérera bientôt, tenez-vous bien, écoutez bien, qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. Voilà, » ouais. Donc, ce sont des compteurs, mais lui, il les appelle des capteurs. Pourquoi ? Parce que compter notre consommation, ça, c'est un truc ringard. Alors, ils vont continuer à le faire, parce que c'est quand même leur boulot de base, et puis c'est ça qui rapporte l'argent, qui leur permet de nous piquer l'argent dans nos poches. Mais ça n'a évidemment rien d'exaltant. Par contre, appeler ces compteurs capteurs, parce qu'ils captent, qui vont capter des quantités astronomiques d'informations sur nos vies privées, et en faire des gigantesques bases de données dans lesquelles nous serons, nous, et toutes les informations sur nous, eh bien c'est ça qu'on appelle le big data. Et donc, ce monsieur Monloubou se gargarise, il dit, Enedis, c'est désormais un opérateur big data, qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. On nous met des big brothers dans nos logements. Exactement. Alors pour le moment, en nous jurant qu'on ne va pas s'en servir comme big brother. Et donc, écoutez, s'il y en a qui veulent le croire, moi pas, quand on met des big brothers à l'endroit, c'est pour s'en servir. Et donc, nous étions des usagers, on a été rabaissés au rang de clients. Mm-hmm. Nous étions des clients, nous ne sommes même plus des clients, nous sommes des données. Voilà. Et comme on dit si bien dans les milieux du numérique, d'Internet et compagnie, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Effectivement, nous sommes le produit, nous sommes amenés avec ces compteurs à n'être que des informations à mettre dans des bases de données que Enedis ensuite va vendre à des tarifs absolument incroyables à tout un tas, à une myriade de sociétés commerciales. Comme ce sont des compteurs. Et donc, Stephen Lund qui raconte du coup ce que la partie communication de ces compteurs Linky. Alors du coup, régulièrement, le compteur va enregistrer notre consommation d'électricité et va l'envoyer à toutes les heures à l'opérateur. C'est-à-dire que avec ça, l'opérateur va avoir un ensemble de données qui nous sont décrites dans ce petit interview de Sophie Nerbonne de la CNIL. Hop. Ça veut me partir, c'est parti. Comme ce sont des compteurs électriques qui vont permettre de transmettre en continu les informations sur votre consommation d'électricité, il y a beaucoup plus d'informations qui vont remonter et qui sont susceptibles de concerner votre vie privée et permettre de savoir très précisément, heure après heure, quand vous vous levez, quand vous vous couchez, si éventuellement vous avez des personnes chez vous parce que tout d'un coup il y a plus d'équipements électriques qui sont utilisés en même temps, quand vous partez. Donc tous ces éléments qui concernent votre vie privée doivent être confidentiels, d'où la vigilance de la CNIL à cet égard. Ah, si la CNIL veille, on est rassuré. Oui, on est rassuré, enfin pas vraiment, parce que la CNIL, c'est quand même un bel exemple d'organisation paragouvernementale, en fait, qui est censée être un garde-fou et qui est en fait valide et qui accorde en fait tous les dossiers les plus craignos, que ce soit Edwige, la base élève, tous les fichiers de surveillance des individus. Donc en fait, l'intérêt de Enedis, on l'a pu le voir là, il est d'abord économique avec l'argent gagné par la pose de tous les compteurs, etc., et la fin des anciens. Ensuite, il est du coup économique parce que avec ces données, ces data, Unidis va pouvoir faire un nouveau marché s'ouvre à lui, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vendre les données qu'on a. Vendre telle personne à tel endroit, telle maison utilise tel type d'éclairage, ou telle personne a une consommation très forte de chauffage électrique, et du coup, par exemple, ils peuvent vendre cette information à des vendeurs d'électricité, à des vendeurs de chauffage électrique. Mais c'est ainsi que, par exemple, une entreprise comme Legrand, ceux qui font les interrupteurs, les trucs comme ça là, eh ben ils vont déjà commencer à réfléchir à ce marché et à développer des propositions commerciales pour avoir et utiliser ces données données par les compteurs Linky. Alors bien sûr, là on parle de données et d'informations de notre vie privée vendues par le fournisseur d'électricité. Mais effectivement, ces données, ça peut aussi être utilisé par l'État. C'est-à-dire qu'un État peut savoir, par exemple, dans telle maison, combien il y a de personnes qui habitent. Et dans telle maison qui est censée, par exemple, être vide, combien de personnes habitent, quelles sont leurs entrées, sorties, quand est-ce qu'ils allument la lumière, quand est-ce qu'ils se chauffent. Ils vont pouvoir avoir un ensemble de données sur... la consommation d'électricité des domiciles et du coup des habitants à ce domicile. Et du coup, ça c'est une question, c'est pour ça que Stéphane Lhomme parle de Big Brother, c'est que c'est vraiment faire entrer un mouchard dans nos maisons qui délivre les informations sur notre vie privée à des fins commerciales, mais aussi potentiellement à des fins de surveillance. Ça c'est un autre et un point important de la question de ces compteurs Linky, et la question de pourquoi ici ou là des gens refusent et résistent à la pose et l'installation de ces compteurs. Alors, on va passer un petit morceau et après on passera à ce point, à la question des résistances à l'installation des compteurs Linky. Alors, le morceau, c'est un morceau de Kobayashi, un groupe allemand, c'est parti. Yeah. ce compteur devrait pouvoir être remplacé sans avoir besoin de l'avis du consommateur. En fait. Donc on ne peut pas dire non. L'inventeur du compteur Linky. On ne va pas forcer quelqu'un à aller changer son compteur. Et d'ailleurs, on vient par exemple sur l'année 2015 de déployer à peu près 60 000 compteurs. On a eu à peu près, je ne sais pas, moins de 10 refus. On n'a pas appelé la gendarmerie pour mettre le compteur. Vous avez fait une sommation à ne pas faire par l'huissier. Oui, tout à fait. Je peux vous montrer d'ailleurs. Je veux bien, on va aller la chercher après. Pour ne pas qu'on vous installe un compteur Linky à votre domicile. Tout à fait. Donc actuellement, quelqu'un est en train d'installer les compteurs. Vous avez signifié à cette personne que vous ne vouliez pas ce compteur et qu'une sommation avait été faite. Qui l'a vu, d'ailleurs. C'est juste monsieur. Donc vous avez été informé que la personne, vous avez vu le document, avait fait une sommation par huissier. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Oui. Vous avez été informé. Pour autant, vous avez changé le compteur qui est lequel, qui est celui-ci. D'accord. L'ancien compteur, où est-il? Il est là, maintenant. D'accord, donc vous avez changé un compteur électromécanique contre un compteur Linky malgré l'opposition. Il n'y a aucune opposition, madame, le compteur ne appartient pas au client. D'accord, oui. Il n'appartient pas non plus à vous. Non, il ne m'appartient pas, il appartient, c'est mon travail, je suis en train d'exercer mon travail. D'accord. Il appartient à EDF. Non, il n'appartient pas à EDF, il appartient à une collectivité territoriale. J'ai un courrier que je peux vous montrer. En l'occurrence, à Aix, il y a une délégation d'exploitation du réseau d'électricité au SMED, qui est propriétaire des compteurs. Oui. Est-ce que vous avez un ordre de mission du SMED pour intervenir sur ces compteurs? Attendez, je vais appeler mon chef pour parler. Qu'est-ce qu'il disait, le directeur, l'inventeur du Linky? Ce compteur devrait pouvoir être remplacé sans avoir besoin de l'avis du consommateur. En fait. Donc on ne peut pas dire non. C'est pas qu'on ne peut pas dire non. On ne va pas forcer quelqu'un à aller changer son compteur. Mais non, bien sûr que non. L'IS ne force pas les personnes à changer les compteurs. Et en fait, ils le font faire par les sous-traitants qui du coup effectivement ont des comme on l'a pu l'entendre là dans cet extrait d'un son d'opposant à l'installation des compteurs Linky sur Aix montre bien que les sous-traitants passent en force pour changer les compteurs. Alors il y a plusieurs informations dans le son qu'on a passé et on va reprendre un peu ça sur la forme de résistance contre les compteurs Linky. Alors, comme on a entendu, les compteurs, en fait, dans tous les domiciles et tous les bâtiments, en fait, ils appartiennent pas au propriétaire, ni au locataire, ni à l'occupant, ni à quoi, qui que ce soit, ni à EDF. Les compteurs appartiennent à la mairie, aux mairies, aux collectivités territoriales. Et du coup, il y a une première forme de résistance et de blocage à l'installation des compteurs Linky qui se fait mairie par mairie. Alors en fait, du coup, il y a des villes qui ont des villes et des villages qui ont en fait empêché, passer un décret ou comme une loi municipale, un truc qui refuse que les compteurs de la ville soient changés par Enedis, ne pas passer au compteur Linky. Il y a des petites villes, il y a plein de petites villes et villages, mais aussi des grandes villes comme Saint-Denis en Ile-de-France ou Caen, ou par exemple Aix. Du coup, il y a cette forme de blocage qui en fait amène EDF dans des combats après judiciaires. Alors il faut savoir que ces villes-là, on leur met la pression, EDF leur met la pression, d'un point de vue de puissance d'abord, parce que pour EDF après fait des recours, et du coup amène les villes devant les tribunaux, et il faut savoir que du coup les villes, c'est pas les mêmes budgets, la partie pour payer les avocats, les trucs comme ça, les recours, etc., le budget d'un petit village au fin fond de la Dordogne, c'est pas le même que EDF. Et du coup, déjà, c'est compliqué pour certaines villes de faire ça, et de faire face à la bataille juridique que amène EDF. Mais au moins, ça a le courage de poser les éléments. Du coup, les autres formes de blocage, il y a quelques villes qui ont déjà bloqué. Alors, il faut savoir que déjà, les compteurs Linky sont posés par vague et par région, par espace. Du coup, il y a des territoires où il y a beaucoup et de nombreux collectifs municipaux, de nombreuses villes qui se sont positionnées. Alors, je le mettrai sur le site Joirage et Courage. Il y a des cartographies qui indiquent où sont les collectifs de lutte contre l'implantation du compteur Linky et où sont les villes qui se sont posées. Du coup, il y a des territoires et des espaces comme le sud-ouest où il y a beaucoup de résistance en route contre ces compteurs. Il y a également des réponses individuelles, c'est-à-dire que il y a des collectifs anti-Linky qui ne sont pas soutenus par les villes. Il faut dire que quand même les municipalités sont la plupart du temps assez réticentes à se lancer dans ce genre de procédure, et aussi on leur met la pression, hein, que ce soit Unidis et des groupes comme l'Association des maires de France, ils leur mettent la pression pour que les municipalités ne se positionnent pas comme elles le font. Et du coup, il y a des possibilités tout de même, individuellement, de s'opposer à l'installation des compteurs Linky. Et ça, c'est pas forcément seulement si on est propriétaire de son logement, c'est-à-dire que je suis locataire ou occupant, et je peux dire je m'oppose, et du coup il y a plusieurs procédures possibles. Alors ces procédures, on les mettra en ligne, on mettra des liens sur le blog Joirage et Courage, toujours de faire des lettres type. Alors il y en a qui disent qu'il faut faire appel à des huissiers, il y en a qu'il faut faire des recours. Il y a plusieurs sons, notamment sur YouTube, de gens qui passent des heures à téléphoner à Unidis, qui se font balader dans les services pour montrer leur désaccord, et voilà. Et sauf que malgré toutes les procédures, comme dans le son l'indique, les sous-traitants qui installent les compteurs Linky, eux, ils sont payés pour installer les compteurs Linky. Unidis, ils leur mettent grave la pression. Il y a aussi eu des récits d'installateurs ou des sous-traitants pour raconter leurs conditions de travail, qui sont vraiment des conditions de merde, de pression à l'installation des compteurs Linky. Bref, eux, qui a un autocollant sur le compteur, parce qu'il y a des logements, notamment dans les immeubles, où souvent les compteurs sont dans les parties communes. Bref, ils rentrent dans les parties communes, ils changent les compteurs, ils n'en ont rien à foutre, qu'il y ait un autocollant ou pas, qu'il y ait eu un recours ou pas, ils installent. Alors dans l'exemple du son qu'on a passé, la personne, elle est passée par un recours auprès d'un huissier, de l'être commandé pour dire je refuse l'installation du compteur. Le mec, il se fait prendre en flag en train de changer les compteurs. Du coup, apparemment, c'est une huissier qui vient, qui lui met la pression. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il arrête, sauf que le compteur, il est installé, il a refusé de remettre l'ancien. Du coup, effectivement, la personne propriétaire occupant du logement, elle peut faire des démarches. Elle s'est fait avoir, et la procédure qu'elle a fait pour empêcher l'installation de compteur, elle a été bafouée, et les gens n'ont rien à foutre. Du coup, c'est intéressant et c'est important d'imaginer aussi d'autres formes de résistance, car par exemple sur Saint-Étienne, les compteurs Linky, ils devraient commencer à être installés à partir de juin 2017. Donc juin 2017, c'est vraiment c'est demain, quoi. Peut-être qu'il est question de réagir différemment, collectivement, pour empêcher ces installations de se faire, que ce soit l'installation légale ou pas, parce que de toute façon ils en ont rien à foutre de, des recours qu'on puisse faire. Du coup, en fait, on, par rapport à ça, on a fait une rencontre d'une personne qui pirate son électricité. Alors cette personne, elle n'a pas voulu être enregistrée, mais elle avait bien voulu que ses propos soient utilisés lors de cette émission. Du coup, en fait, on a utilisé un petit logiciel qui masque sa voix. Mais on va écouter ce petit entretien qu'on a fait ensemble. Voilà, c'est parti. Sur une fraudeuse d'électricité et sa réponse au compteur Linky. Salut, donc je voulais t'interroger parce qu'il me semble que tu es donc une voleuse d'électricité. Salut. Bon, alors tout d'abord, je ne considère pas que je suis une voleuse, mais plutôt que je pratique l'autoréduction de l'énergie. En fait, j'ai un abonnement chez un dealer d'électricité. Je le paye plus ou moins dans les temps, ainsi qu'une partie de ma consommation. Une partie ? Comment ça ? Eh ben en fait, de temps en temps, je bloque mon compteur, notamment en période hivernale, ce qui me permet de me chauffer et ne pas vivre chez moi avec mon manteau et des moufles. Et ouais, quoi, Saint-Étienne, c'est pas Saint-Tropez, et l'appart dans lequel j'habite, c'est pas le logement le mieux isolé du monde. Je comprends pas trop en quoi ça consiste. Ben en fait, c'est pas très compliqué. Il y a plusieurs moyens de gratter l'électricité. Moi, c'est un ancien voisin qui m'a expliqué la tactique de la corde de guitare, mais paraît-il qu'il y en a d'autres. Une corde de guitare ? Ça consiste en quoi exactement ? En fait, il faut faire un minuscule trou en haut du compteur et y glisser une petite corde de guitare qui empêche le compteur de tourner. Ok, là c'est plus clair. Donc là, je prépare une émission sur les compteurs Linky. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Oui, carrément, j'ai suivi cette histoire. Et du coup, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses et ce que ça va changer pour toi ? C'est évident que ça va changer la donne dans un premier temps pour moi. Mais je dois dire que c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui me fait surtout flipper avec ces compteurs, c'est la question de la surveillance généralisée qui se développe également par ce biais. C'est également la part de plus en plus flippante des technologies dans nos vies. C'est comment tout ça pollue nos vies et nos libertés. En fait, tu vois, pour ce qui est de l'évolution de ma facture, ça passe après, et puis je suis sûr que collectivement des personnes trouveront le moyen de détourner cette merde et que ça circulera dans une logique d'entraide de galériens et galériennes. Mais ce que je trouverais vraiment fort, c'est que cette dimension collective puisse se retrouver également dans le fait d'empêcher l'installation de ces compteurs. En s'organisant par exemple par quartier ou à l'échelle de la ville s'il faut. Bref, pourrir la vie des gars qui vont venir changer les compteurs. Faire passer le message que le monde qui diffuse n'irradiera jamais là où on habite. Et je n'utilise pas le mot irradier pour rien. En fait, le compteur Linky, c'est vraiment un exemple concret, à domicile, de l'arrivée de la société du contrôle, mais aussi de la société de la technologie qui pollue ta vie, mais aussi la question des choix énergétiques de nos dirigeants et notamment le nucléaire. Pour moi, ne pas vouloir du compteur Linky chez moi, c'est dire aussi, merde, et emmerder au maximum les nucléocrates. En fait, j'ai envie de dire qu'en refusant le compteur Linky chez moi, c'est un peu comme si je faisais un salut solidaire à toutes les luttes qui se déroulent un peu partout dans les filières de l'énergie. Que ce soit dans les mines d'uranium du Niger, pour la fermeture des centrales nucléaires, contre l'installation des lignes à très haute tension, mais également par rapport à celles et ceux qui se battent contre l'enfouissement des déchets à Bure. Et ben voilà, ce petit son qui, effectivement, cet entretien qui donne en fait des perspectives et nous pousse à réfléchir sur comment on pourrait faire sur Saint-Étienne collectivement pour résister à l'installation de ces compteurs. En tout cas, avant de terminer cette émission, sur le site de Joie, Rage et Courage, on mettra donc joierageetcourage.noblogs.org, on mettra tout plein de liens qu'on a trouvés en préparant l'émission, notamment des liens vers des lettres types pour fuser les compteurs, des liens vers des argumentaires, des liens vers des affiches et des autocollants qu'on a trouvé sympa et à télécharger. Il y a des liens vers des vidéos, des collectifs qui sont déjà en lutte depuis quelques temps, car les compteurs Linky, donc selon les espaces, les régions, il y a déjà des espaces, des zones ou des territoires où Unidis essaye depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant de les installer et où depuis quelques temps il y a déjà des résistances. Donc c'est important de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour le faire ici. Et puis, du coup, notamment par exemple à Grenoble, où y a les compteurs Linky qui sont déjà en train d'essayer d'être posés. Et il existe une résistance là-bas. Il y a des gens qui ont fait, du coup, notamment des installations pour empêcher les sous-traitants de mettre les compteurs Linky, donc qui indiquent comment faire. Il y a des gens aussi qui ont réussi à démonter des compteurs Linky et qui les ont renvoyés, notamment aux élus. Bref, il y a plein de choses sur lesquelles, on pourrait peut-être s'inspirer parce que voilà, juin 2017, ça arrive bientôt. Sachant que du coup, c'est en juin 2017 à Saint-Étienne, mais qu'après, ville par ville, il me semble que par exemple, la Ricamarie, c'est en 2019, Saint-Chamond, etc. Bref, les chantiers vont être lancés et vont durer quelques mois. Avant de conclure, on va passer un petit morceau de Red Dance. Allez, c'est parti. Courage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, c'était Joie, rage et courage de ce mois de février 2017. Et donc, comme dit précédemment, toutes les sources de l'émission pour écouter, trouver des vidéos, trouver l'émission Trou Noir sur le compteur Linky, toutes plein de textes, de communiqués, mais aussi des liens vers des sites, vers des textes de critiques sur les compteurs Linky, vers des liens vers des actions qui ont été menées ici et où là contre les compteurs Linky. Bref, tout ça sera regroupé dans un article qui devrait paraître incessamment sous peu dans le site, le blog de l'émission joie, rage et courage. noblogs.org. L'émission sera donc à réécouter et à télécharger sur ce site, mais aussi sur celui de la radio et certainement sur celui du numéro 0.l'autre.net. Si vous voulez apporter des compléments, des questions, si vous voulez nous encourager, nous envoyer des insultes, faire des trucs, tout ça, on a une adresse mail qui est clapclap @riseup.net. Voilà, que dire de plus? Et ben la prochaine mission ce sera le 27 mars. D'ici là, ne soyez pas trop sages, rendez-vous dans la rue ou sur les antennes du 89.5 ou sur le site de Radio Dio, radiodio.org. Et puis un grand salut et un joie, rage et courage à tous les fraudeurs et toutes les fraudeuses. Allez, salut.